La Guinée et ses routes cuivrées respirent le souvenir de ses couturées. Non, je ne suis pas africaine, mais j'aime cette terre et son âme enchantée. Non, je ne suis pas guinéenne, mais j'aime la chanson que tu m'as un jour chantée. Sikolaïko, Sikolaïko, Wawako, Sikolaïko, Sikolaïko, Sikolaïko, Wawako, Sikolaïko. La chanson est en langue, sous sous, elle parle de l'instrument, Siko, de la danse et des musiques, joli, joli, joli, joli. On raconte que le Siko nous élèvera très très haut. Alors dansons et chantons Siko Laïko, Siko Laïko, Siko Laïko, Wawako, Siko Laïko, Siko Laïko. Sikolaïko, Wawako, Sikolaïko, Sikola, Sikola, Sikola, Sikola, Sikolaïko, Wawako, Sikolaïko. Sikolaïko, Sikolaïko, Wawako, Sikolaïko. Sikolaïko, wa wa wa wa, Sikolaïko, hey, hey, hey.